Ah, je vais bien introduire cette nouvelle émission de Pyongyang City Rocker sur Radio Campus numéro 276. Oui, j'ai fait un pic. Ouais, tout de suite on baisse le micro. Exactement, baissez le micro. Baissez le micro. Bonjour tout le monde dans le studio. Il y a du monde aujourd'hui dans le studio. Oh là ouais. Grosse folie. On dépasse la jauge, t'as vu? T'as vu ça? Ouais. C'est pas très Covid, ça tombe bien, on s'en bat avec le Covid. Bon, c'est pas la grippe en ce moment là. À la grippe, c'est pas très à la mode. Hein. Si, si, oh ben si, y a plein de gens comme ça. Ouais, mais c'est pas. Enfin, tu vois, y a rien d'exceptionnel. Y a rien de Covid non plus. Ça fait des années qu'on l'a. Ouais, mais c'était hyper hype. Bon, alors, t'as vu Stéphane? Tu peux encore te faire vacciner jusqu'à la fin du mois? Contre quoi? Gratuitement maintenant! Ah ouais, vaccinez-vous! C'est bisous, c'est cadeau. T'as donc top! Sacré ouais. Retour, bravo. Bienvenue dans cette nouvelle année 2023, cher grand leader Stéphane. C'était bien tes vacances longues et rattrape-toi, douloureuses. Audrey, rattrape-toi. studieuse. Douloureuse, studieuse. Elle va te venir nous le casser alors qu'il est tout propre. Voilà. En même temps, il aime ça, hein, c'est son petit côté graou-graou. Graou-graou, je ne vais pas nous introduire une émission là. Ah, non, si, pas une émission, un morceau, genre. Juste un morceau. Bah, l'émission, ça risque d'être un peu long. Je me suis introduit dans l'émission déjà. Putain, ce filet de collant pour la. Ne lèche pas la bonnette. Non, pas la bonnette. Ça a moins de goût que l'antipop. Et oui, une émission qui pourrait être dans le festin nu. Hein. D'ailleurs, on lui fait des coucous, il est revenu là. Salut Nico. Salut Nico. Ah ouais, sur le vendredi après-midi, hein, ne pas louper. Voilà. Donc du coup, moi, je voulais commencer cette année 2023 en faisant un petit big up, un petit hommage à un ami qui se reconnaîtra avec. On fait des big up maintenant à Pyongyang. Ouais, sur ce coup-là, c'est le début d'année, c'est les bons vœux, tout ça. D'accord. Ok. C'est bien. Exceptionnellement. Okay. Accepté. Il se reconnaîtra avec un magnifique morceau. Et parce qu'il n'y a pas très longtemps, il m'a remis en mémoire que j'avais cette grosse bouse dans mes bacs à disques. Et le monde doit en profiter. Ah bah on va bien commencer 2023, oui, dis donc. Oui, avec Billy, Billy et les Forbans. Autant des surprises parties, parce que bon, ça cloue un peu... Tout ce truc de... On a fait beaucoup la surprise partie ces 15 derniers jours. Oui, toi, oui. Alors, welcome back, Stéphane. Billy Aka... Ouais, c'est pas vrai. T'es content, hein. Il est mort de rire, quand même. Billy Aka, Laurent Bitan. Son blaze est quand même super cool. Il enregistre son premier 45 tours à 12 ans avec les Forbans en backing band. Une légende qui sentit. Franchement, mais les Forbans, ils étaient déjà Forbans à l'époque. Ah, ils étaient très bons. Ok, ouais. D'accord. Ils sont pas Forbans, mais ils sont Forbans. Et donc, t'as un espèce de producteur qui est passé par là et il a entendu Laurent Bitan chanter. Il s'est dit Toi, je vais te signer. Et il l'a signé. Dans la foulée, donc trois mois après avoir été repéré par je ne sais plus quel producteur de brin, là, il fait une tournée estivale, bim, disque d'or. Et après, tous les six mois, bim, disque d'or. Oui, mesdames et mesdames. Et oui. Pour au final. La chanson. Pour au final, ensuite c'est trois ans. Jacques Martin. Attends, plus, trois ans plus tard. Michel Drucker. Une émission avec Drucker. Ah, voilà. Et bah ouais. Il a animé Podium avec Michel Drucker. Trois ans plus tard, il va à Nashville, Tennessee, pour enregistrer avec les musiciens du King. Ah, je pensais les musclés. Il a pas été avec Eddie Mitchell. Non, bah non. Parce que lui aussi non. A été un jeune. Ouais, mais après. Et une fois devenu grand, notre petit Laurent Bitan, il a fini. Suspense, hein. Il est devenu technicien dans une boîte d'informatique. Voilà. La jolie histoire de Billy. Autant des surprises parties. Enjoy, people. Et du coup, on le préfère en tant que musicien, artiste ou en tant que technicien informatique? Ah, faut tout séparer. On sépare tout. 2023, ce sera l'année de la séparation. Qu'est-ce qu'il chantait en tant que technicien? En tout cas, ouais, c'était un peu varietoche, mais par contre, il avait toujours une superbe coupe banane. Mais alors vraiment un truc. Et des costumes de qualité très bon, avec le col blanc et le reste coloré. Par contre, on voyait pas ses godasses. Je sais pas s'il avait des Santiago. Il avait pas de pied. Plaisir coupable. Il avait des boulettes. Plaisir coupable pour Stéphane. Bon alors c'est comme ça qu'on vous souhaite la bonne année avec autant des surprises parties. Désolé d'avance. C'est ma mère que je reconnais. j'avais 16 ans et je suis partie avec des petits lapins. La chanson, là, tu vois. En même temps, tu vois, ce truc-là, dans les années 80, c'était tellement passé de mode, et finalement, c'est intemporel, ça a c'est bien vieilli, c'était kitsch quand de c'est de sorti, fou. Et c'est toujours kitsch. Donc voilà, je remercie mais le kitsch est à la mode en ce moment. Je remercie ce cher ami pour ce grand moment. Il y a des groupes de Paris qui s'inspirent de groupes comme ça. On rappelle nos chers auditeurs qui peuvent venir dans les studios de Radio Campus pour nous voir danser là-dessus, pas de problème. Ah ouais, les mouvements de bras, les mouvements de tête, mais n'empêche que ça fait sourire tout le monde. Nous avons une bonne ambiance grâce à ils ont tapé bon dans leurs mains, et tu vois. Merci Billy. Encore du tchou, mais cette fois-ci en Norvège. Ils sont en effet originaires de Oslo. Heiminol, ça s'écrit H-A-Y-E-M-I-N-O-L. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça n'a aucune signification ni en français ni en norvégien. Comme beaucoup de Norvégiens, ils sont tombés dans la marmite Turbo Negro il y a longtemps. Le résultat, c'est deux albums, un en 2019, un en 2020. Depuis, ils ont tous eu le Covid, ils sont morts. Enfin non, en tout cas, ils font plus rien. Bref, c'est quoi ce bordel? Ils jouent quand même. D'ailleurs, ils ont joué il y a un petit mois à Trondheim. Tu connais Trondheim? Ça doit être dans l'Est, ça. Non, c'est en Allemagne. Non, c'est en Norvège. Norvège, Miami. Ils ont joué avec qui? Avec qui? Avec Wonk Unit. D'accord, d'Alex. Donc un extrait de leur album de 2020 qui s'appelle Collective Self-Mord, qui signifie suicide collectif. Alors soit on fait la fête, soit tu meurs en collectivité. Avec Dopamine par Heiminol. Mais ça va avec les surprises de partie, non? Par Heiminol. Dopamine, hein, comme ils disent, les Norvégiens. Ouais, carrément. C'était un peu punk à 2-3 cartes, comme bah les ouais, deux mais... familles ça marche bien. Ouais, ouais. Ça fout de chaos, ouais. C'est peut-être un hommage, hein, d'ailleurs. Ah, peut-être, peut-être. Bah, moi, dimanche, je suis allé bouffer avec Peg. Peg, il fait de la batterie dans un groupe qui était français avant, mais qui est maintenant genevois. Et il en a profité pour me lâcher son disque. Son dernier album qui est sorti au mois de novembre. Et puis ben comme j'ai pas trop on n'a pas trop discuté en fait de son groupe quand on s'est vu. Donc j'ai chopé une bonne petite un beau petit descriptif sur internet, donc je vais vous le lire. Alors Bad Nasty, c'est un groupe franco-suisse de street punk formé en 99. Ils sont un des premiers groupes en France issus de la scène punk revival de la fin des années 90 comme The Casualties, The Unseen, Antidote, Lower Class Brat, Oxymoron. Ah, pas mal quand même. Alors Bad Nasty joue un punk rock énergique avec plein de singles longs sur des textes personnels et authentiques. Et ces 20 dernières années, le groupe a sorti plusieurs disques. 4 seulement, hein, pour être un peu plus précis. 4 splits, avec, dont un avec Pet Spoken, les Allemands. Un avec The Craze, qu'on avait déjà pu promouvoir ici derrière les micros de Radio Campus. Et puis avec deux groupes japonais, The Dick Spiky et Dingo. Et puis ils ont tourné activement en Europe. Et là, ils reviennent d'une tournée aux États-Unis, durant laquelle ils ont promu ce nouvel album qui s'appelle Chaos is Order, qui est sorti il y a seulement quelques semaines. Il est dispo pour le moment au format CD Digipack. Et dans les semaines à venir, il y aura une version 12 pouces. Alors, ben, soyez à l'affût. Je vous propose le deuxième morceau de cet album qui pourrait décrire l'île, vu qu'il s'appelle This Dark Town. Cette ville sombre. Sombre. Sur le 106,6 et Pyongyang Steel Rockers, Bad Nasty de Genève. Summer! Bah oui, Louis XV. Et on revient à l'antenne. Napoléon, Louis XV, on revient, combat, évidemment. Vous revenez dans Radio Campus, émission Pure Gangster au 15, numéro 276. Hey. Alors, qu'est-ce qu'on a écouté après juste Bad Nasty? Juste après Bad Nasty et leur morceau This Darkton, on a écouté... On a écouté Vexed avec leur morceau Destroyed, un groupe indonésien de punk hardcore avec une chanteuse, un guitariste, un bassiste et un batteur. Et c'est tout ce que j'ai pu trouver sur le groupe. Ils viennent de Bukittinggi. Ah, toi, t'as trouvé autre chose. C'est tout. Un jeune groupe qui vient de sortir leur deuxième démo. Jeunes, ils sont genre, ils ont 15 ans. Ouais, il y a moyen. Ils sont forts, j'ai du mal parce que encore les Indonésiens, j'ai du mal à donner leur âge sur les photos. Encore un groupe qu'on n'écoutera qu'à la radio parce que c'est le genre de groupe qu'on voit jamais sur le sol européen, malheureusement. Ouais. Je sais même pas. Ouais, il y a déjà eu des. Si, il y a The Boys là, le groupe de. Il y a Senyawa qui est passé aussi. Qui ça? Senyawa, il est au CCL, il y aura en 2012. Ouais, il y a quelques groupes qui viennent, mais souvent ça va aussi dans des circuits assez alternatifs, underground, donc on n'est pas toujours au courant, quoi. Ouais, alors qu'il n'y a pas une émission underground, si tu veux, nous on passe que du mainstream. Et d'ailleurs maintenant, ça nous arrive. Célia. Eh ben, moi je vais rester dans le punk hardcore. Oui. Je vais vous mettre un groupe allemand qui vient de Hambourg, c'est Arc Fuck Kill. Arc Fuck Kill, comme ouais. Arc. Non, c'est ça. je pense plutôt que c'est Away from Keyboard. D'ailleurs, c'est ce que je vais commencer tout de suite. Le groupe, le morceau, il s'appelle So What. Il est sorti sur le LP qui s'appelle Another Pair of Eyes, qui est sorti cet été chez Rune Nation Records. Alors, je connaissais pas, mais ils ont quand même sorti Hiatus, Disaffect, Oi Polloi et Grand Collapse. Ah, d'accord. Donc, et puis ça affiche la couleur. C'est un globe. C'est clair. C'est un label de Brême. Ouais. Et il date de 93. Oui, Polloi était sorti sur des labels autres qu'Airish et tout ça. Oh, bah, énormément. Ouais, mais j'ai jamais trop cherché. C'est le genre de groupe qui a sorti des dizaines et des dizaines de EP et puis qui est toujours OK pour donner un petit coup de main à un label qui se monte. Ouais. En plus, ils encouragent les pirates, entre guillemets, vu que c'est plus des pirates, ils encouragent les gens à refaire des copies et tout le bordel. Ouais, tu regardes souvent, c'est des références des labels que tu connais pas, c'est 01, 02. Et voilà, le label il a sorti que ça. Puis, bonjour, nous on vous dit Balek, mais on le sort quand même. C'est pour faire plaisir, quoi. Il faut, hein. Mais ils sont tellement chauds, les Polloi. Après, c'est vrai que quand tu sors des disques, c'est pas facile de continuer. Ouais, faut parler par-dessus lui. C'est comme tout, hein. Ouais, mais c'est dur avec l'équipe. Allez, c'est bien. Non, mais j'ai plus rien d'autre à dire à mais part qu'on va écouter So What de Arc Fuck Kill. Ouais, parti. Ah ouais, c'est bien. Dis donc, moi j'étais bien, c'est une belle découverte. Tu reviens quand tu veux. Merci, c'est bien. Je reviendrai. Oui. Donc, nous enchaînerons, bien évidemment, mesdames et mesdames, avec The Glutz et le morceau qui s'intitule Love Me Do Again. Putain, mais tu nous fais que de la super production avec violon, ça. Mais oui. Glutz ou Glutz? Glutz, G-L-U-T. Ah ouais, pas le groupe belge de chez nous là. Non. Eux, ils nous viennent d'Australie, je crois. Non, de Milan, Ouais, c'est Milan, Australie, ouais. Ils font des vols. Hein. Ils font des vols, empreinte carbone, pas grand chose. Ouais, tout va bien, quoi. Il y a des escales en Indonésie d'ailleurs. Ça dépend si c'est un avion à pédale. Eh, voilà. Ça vole pas. Ah bon? Non. La devise de The Glutz. Et le mettre partout où tu trouves des infos sur kill. The Glutz, c'est ça. Je pense que je vais leur suggérer de prendre ça d'ailleurs, parce que c'est vachement plus fun que ce que eux ils disent. Play to believe, but play it loud. Wow, c'est kitsch cliché as fuck, un peu comme les fade out, tu vois. Mais bon, bref, c'est un groupe de Milan. Je suis d'accord avec toi. Et c'est long, Milan. 4 albums. C'est beau, mais c'est long. Bref, c'est loin, mais c'est beau. Donc, 4 albums, 3 singles entre la création de ce quatuor avec une madame à la basse. Ils se sont créés en 2013, si je ne m'abuse. Et quasiment tout est sorti chez Fuzz Club Records, label rock londonien assez généraliste et plutôt avec une grosse phase showgaze, tout ça. Et ce qui est bien avec show et gaz. Ouais, le show est dans le gaz. Voilà. Et ce qui est bien avec ce groupe, c'est qu'il démarre sur du post-punk pour partir dans plein de directions différentes, mais c'est pas mal énergique pour le style. Voilà. Tu te rattrapes. Pas mal d'énergie avec The Glutz. The Glutz. Love Me Do. Ah non, c'est pas Again. Me Do Again. Body in 1,000 pieces. I feel real and I don't. mis sur le plastique. Mais toi, tu préfères les sacs d'eau ou les sacs de cuir? Ça sent les sacs qui sentent, du cuir. C'était The Glutes. Oui, avec Love Me Do Again. Love Me Do Again, again, and again, and again, and again. Pardon. Merci Audrey. Pardon. Et donc, et du coup, on a un invité spécial. Et donc, nous avons Romain Chanteur, guitariste du groupe Nord. Romain Chanteur. Eh bien, bienvenue, merci, merci de m'accueillir, c'est gentil. C'est l'incruste face au Wallin. T'as joué dans un micro, toi. Hein ? Ouais, t'as joué dans un micro. Ouais, un petit peu. Et du coup, je voyais l'émission se passer. Je me suis dit un petit morceau de crust, ça serait pas mal. Ouais, c'est vrai, il n'y en a pas eu beaucoup là. Ouais, alors là c'est. Ouais, dernièrement, on n'est pas trop crust, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors, bah, là, depuis que Raya il est pas là, on n'est pas trop crust parce que Vincent il adore le crust. Bah alors, bon. Je pense que ce morceau là ça va lui faire plaisir, il écoute. Il est dédicacé pour toi, Raya. Voilà. Alors, c'est un morceau de Disfir, qui est un groupe suédois, avec Thomas Lindberg qui est le chanteur de At the Gates. Gros groupe de death metal, on le présente pas, mais bon, pour ceux qui connaissent pas, voilà. Super morceau de crust. T'aurais écouté Écrasant la Vermine à l'époque. Gail Love. Passé du Disfir tout le temps. Mais je déteste le crust, les gars. Mais là, c'est un bon morceau. Ah ouais, il y a du bon crust et du mauvais crust. Il y a du bon crust et voilà. Lolita. Donc là, mais là, les gars, c'est du bon. C'est du bon, c'est du bonnet, c'est du bon. C'est du crust. Voilà. Du cru. Du crust crust. La croûte de la. De la les croûte, mecs, ils quoi. Font une longue pause avec le Covid. C'est leur dernière actu. Oh ah ouais. Bravo. Ouais. Ça, c'est une actu. Voilà. Tout de suite, Get It Off de l'album Live the Storm de Disfir. Yeah. On verra. We'll be right back. Et voilà, nous venons d'écouter Get It Off de Disfear. Et nous allons enchaîner avec un groupe qui s'appelle Vrijgel, ouais. Maintenant, je reviens un peu plus près que tout à l'heure à la Norvège, puisque je vais de la riante cité, la riante bourgade de Hasselt en Belgique. Vous savez, là-bas, tout au bout de la Belgique, là, au nord de Liège. J'ai fait mon stage là-bas. Ah ouais, bah c'est bien. Elsteren. Bon, on y parle, tu vas peut-être me confirmer, un dialecte rustique tout à fait adapté au hardcore, trash, limite power violence. Ah, là, une spécialiste qui est de l'autre côté de la vitre, mais moi, je ne sais pas. Donc voici Vrijgel, je pense que ça se dit comme ça. Groupe formé de 4, voire 5 individus, ça dépend des moments. Ils disent qu'ils jouent normalement du free jazz et de la musique classique, à skip. J'ai pas vérifié, d'ailleurs, on ne peut pas vérifier. Comme ils sont toujours les premiers sur la déconne, leurs pochettes sont systématiquement des pastiches de pochettes célèbres, par exemple ça, tiens, tu la vois celle-là, tu la connais, hein, ouais. Ouais, ça me parle, ouais. Les auditeurs, ils vont rien comprendre, hein. Stormtroopers of Death, et puis leur dernier effort, c'est un skinhead avec la tête, non, entre c'est pas les genoux. Skinhead, tu connais, pas cette pochette. Ah, c'est la pochette c'est Main of Threat. Sais, voilà. Et mais sauf que bon bah la fameuse photo du skinhead qui met sa tête. C'est Ian McKay en fait. Ouais. C'est un skinhead, ouais, Ian McKay. Bon, enfin, il y a les cheveux rasés quoi. Ils ont rajouté juste des caisses de bière sur le côté et puis il c'est a gerbé. Il a de la Crystal Alken, tu sais. Et puis il a gerbé entre ses pieds. Donc voilà. C'est pour dire un petit peu comment ça se passe chez Vrijgel. Je pense qu'ils auraient pu mettre du café ou du coca. Ce qui était plus représentatif de Ian McKay. Mais non, parce qu'il raconte qu'en fait, bon, Ian McKay lui-même l'a confessé une fois dans une interview que ça lui est arrivé de fumer, de boire et de manger de la junk food. Ah oui, oui, carrément. Bon, on a eu confirmation. On a eu confirmation. Revenons à Vrijgel, si vous voulez, parce que là, le temps passe. Leur dernier effort est sorti le 22 décembre dernier. Ils rend hommage à leur petite région du Mascant. Donc c'est le coin là autour de Hasselt et tout ça, là où la Meuse passe et où ça parle flamand. En gros, ça, c'est ça. Et puis bah sinon, c'est du n'importe quoi à tout moment, mais comme c'est en dialecte pire que du chotomi. Ah ouais, c'est possible. On comprend pas. Mais vraiment pas. Hein. Peut-être on pourrait montrer ça à des gens de Courtrai, peut-être qu'ils capteraient encore. Mais dans le bourrinage, on va leur demander. Ouais. Mais en tout cas, tu te passes dans un traducteur sur internet. Ça marche pas. C'est pire que la traduction basque. Voilà, et déjà, ça, on sait à quel point vous allez. Et donc, voici facile, premièrement une moquerie sur Ian McKay, que c'est pas vrai. C'est même pas un vrai skin. C'est même pas vraiment genre de frites. Suivi d'une histoire de fauteuil roulant qui roule sur une herbe de chien. Et enfin, un troisième titre, peut-être plus calme, à propos de se sentir new wave. Si j'ai bien compris, je ne sais pas. Vrijgel avec Ian McKay, suivi de Rollstone et de Vule Nieuwelver. On se retrouve dans 30 secondes. Dans deux quarts. Okay. Oui, Rastafari, bien fumé, hein, le son Rastafari de Salt là. Ah, voilà. T'aimes ça, hein, les groupes fumés. J'adore ça. Pur fumé. Bon, allez, moi je vais continuer. Non, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Avec un groupe montréalais, Béton Armé, qui était en studio les 7 et 8 mai 2022 pour enregistrer un EP qui sortira au printemps 2023. En avril, si tout va bien, sur le label Primator Coup pour l'Europe et Rochleg Records pour les Amériques. On connaît comment va s'appeler cet EP, il va s'appeler Second Souffle. Le groupe, il a mis en ligne le 22 décembre, pour bien fêter les fêtes de Noël, un morceau promo qui s'appelle L'Union fait la force. Et ben, je vous propose qu'on écoute ça de suite dans Pyongyang City Rockers 106,6 Radio Campus Lille. Yeah. Terrible, ouais. terrible, j'adore. Béton Armé, franchement, c'est un groupe qui a quand même mis tout le monde d'accord à Montréal. Non, mais pas que à Montréal. Armé, hein. C'était bien. En vrai, enfin, moi je trouve. Hein. Bon, ils vont jouer en Europe bientôt. Normalement, si j'ai bien compris, en 2023, ils devraient être sur le sol européen. On a hâte. Trop bien. Ouais. Il faudra les faire jouer. Quelqu'un pour se dévouer? Ah bah, une association qui commence à faire. Ouais, carrément. Ouais. Ça pourrait être cool. Ah, voilà. J'en toucherai un mois à Oli. On verra ça. Ah. Ah, c'est moi, moi je connais un mec de Béton Armé. Il nous propose. Moi je vous propose de continuer avec un groupe espagnol qui s'appelle Accidente. Un groupe de punk féministe, oui, tout à fait, qui nous fait un punk rebelle et honnête, comme ils disent. Honnête. Où la défaite n'est que pour ceux qui se rendent. Oui, mais oui, un groupe de femmes, la défaite. Merci défaite. Jérémy pour ce lapsus. On voit à quoi il pense. Hein. Complet. Je ne change rien, mon copain, c'est parfait. En plus, il se marre. Franchement, bah, il a raison. Toujours avec le sourire, Jérémy. Ouais. Toujours. Je vous propose donc d'écouter. Des fesses. La Mataron. Ah, je sais pas comment on prononce. Mataron. La Mataron. Mataron. Je sais pas, c'est comme ça vous dites? Bah certainement. Bah cabron, Mataron. Tu as un Mataron? Bon, on verra bien en tous les cas. Le fameux macaron madrilène, tu vois. Bonne écoute, Accidente sur les ondes. Madrilène, le macaron madrilène, ça va. Non, mais c'était vachement bien en fait. C'est bien la K-pop façon punk, voilà, j'aime bien moi. Ouais, je pense. Et après, elle dit c'est pas vrai qu'elle critique. Mais je ne critique pas, purée. Vous êtes négatif. T'aimes bien la K-pop toi? Pour tous les Espagnols, hein, Audrey confond. Bah, son éboge, justement. Eh bien, à 20h47, à l'antenne de Radio Campus, 106,6, pendant l'émission Pion et Rockers numéro 276. Nous avons Ben qui va parler. Bonsoir. t'es arrivé, t'es là, t'as ça, c'est, lumière, cette radio, c'est un petit peu en fait. C'est vraiment le vaudeville de la semaine. Hein. C'est pas mal. Hein, ouais. Et alors, qu'est-ce que tu nous racontes, Ben, de quoi veux-tu nous parler ce soir? Non, mais parle dans le micro. Parle dans le micro, Joe. Alors, ouais, en plus, c'est télescopique, c'est pas mal. Tout ce qui est scopique, de toute façon. J'avais jamais mis ça. Ouais. Bon, ouais, de quoi je vais vous parler ce soir? Bah, simplement annoncer que d'ici 15 jours, à peu près, bah, on sera ensemble, Audrey, au musical. Le 21 à FIV, voilà. Et avant, tu vas t'échauffer, t'entraîner le 15. Moi, je vais m'entraîner le 15 janvier, un dimanche, lors de la Carboflip. Un concours de carbonade et de flipper en même temps. C'est génial. En vrai, c'est génial. Tu bouffes de la carbonade et tu joues au flipper, c'est parfait. Et ça se déroule où, cette dinguerie? À la Croix du Bac. C'est un mot de Steinberg. Sortignep, vous prenez la 25, Sortignep, et voilà. Et donc, du coup, toi, le 15, soit tu vas ambiancer la Croix du Bac sur la place du marché, on pourra te retrouver, du coup. Voilà, tout à fait. On va pouvoir t'entendre mixer. Et le 21, du coup, on va passer des Dix en Plastix. Tous les deux, au musical. Ouais. Oui, et sans carbonade. Le meilleur bar de FIV. Hein. Mais grave. Meilleur bar de FIV et du quartier. Moi, ouais, j'ai joué à domicile, oui, c'est bien. C'est ça. Tu rentreras à pied, tu viendras à pied. Bah, je sais pas comment faire avec les patines, mais... T'as oublié de dire le titre de la soirée du 21, c'est une Nihilist Party, ça. Une Nihilist Party. Ouais. Number 4. Ouais, la 4, déjà, ouais. La 5, prévue déjà également. Parce que vous passez de la musique pour aussi. Ça, je veux dire, c'est pas très nul. Fallait qu'on trouve un nom. Ouais, voilà. Donc, bon, Célia, tu nous flingues cette intro de DJ Moisy, s'il te plaît. Allez, moi, je vais vous passer à un groupe de Bogota qui s'appelle Uzi. Ce groupe, je l'ai découvert en Pologne au Izero Hardcore Fest au mois de juin cette année. Et le morceau s'appelle Planeta Inviable. Je trouve que c'est assez actuel. T'as remarqué que je n'ai pas relevé ton sapette? Non. T'es gentil avec moi, c'est pour ça, mais finalement tu l'as relevé quand même. Pas tout à fait comme j'ai fait avec Jérémy, j'aurais pu faire tellement pire. C'est vrai. Il est sorti sur un LP qui s'appelle Cadena de Audio. Il s'est sorti sur un label danois et un label californien, mais ils n'ont pas de label colombien. Et voilà. Et c'est cool. Tout de suite, Uzi, avec leur morceau Planeta Inviable. C'est ça. Inviable. C'est fou comme on les fait fuir avec notre groupe colombien là. Hein. Et voilà comment on commence une émission à 10 et qu'on finit à 2. Ça va, c'est fun. Just the Two of Us, ouais, ben moi puisque c'est comme ça, je vais me venger en passant un titre de Jodie Foster. Oui, un vieux titre, mais qui est sorti sur une compilation tout à fait récemment, Fashionably Late, volume 1, sorti sur le label californien No Time Records. En Californie, il y a des labels, hein. Depuis tout à l'heure, on arrête pas d'en parler. C'est Charles. Mais que devient Charles? Oui, j'aimerais bien le savoir d'ailleurs. Voilà. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Hein. Ouais, le sympathique Charles. Et ben donc, il a une chanson à sa gloire qui s'appelle Charles et non pas Charles. Ça dure 24 secondes. Donc du coup, je vous enchaîne ça avec un autre titre de la compilation Fashionably Late Volume 1. Compile qu'on peut trouver sur le Bandcamp de No Time Records qui se trouve à l'adresse https://notimeforfun.bandcamp.com. Et c'est la première référence, hein, vous ne pourrez pas vous tromper. Et donc le deuxième truc que je vous balance, c'est je pense un des rares, ou peut-être même le seul groupe qui chante pas en anglais sur cette compilation de 56 titres quand même. Ça rigole plus. C'est les Lituaniens de Dysphoria qui nous font Baisiausias Givunas, qui signifie en fait c'est à la gloire de Gaël, l'animal le plus effrayant. Voici donc premièrement Jodie Foster suivi de Dysphoria grâce à No Time Records. Bim. C'était donc à la demande d'un auditeur qui s'est audité, Dysphoria, groupe lituanien, qui nous faisait le titre Baisiausias Givunas. Il nous reste encore quelques secondes, juste le temps de vous passer un petit truc ancien, j'ai rien à dire, The Bags, un des premiers groupes punk californien, et encore la Californie, fait chier, le titre c'est, You're in Love with Romance. Ah ouais. Allez, vas-y, boum. on enchaîne sans plus attendre avec Stranger Call, et le morceau s'intitule Everyday Tomorrow, qui est, je pense, mon morceau fétiche de Stranger Call. Et Raya, il est aussi pour toi, parce qu'on sait que, outre le crust que tu aimes particulièrement, il aime... Ouais, c'est beaucoup. Ouais, c'est mon année de dédicace, là, c'est le début. Toutes les... Cette année, je ferai plein de dédicaces. Bref, d'où lui vient ce nom de Stranger, à votre avis? Eh bien, de son père lui-même, en personne, qui trouvait qu'il ressemblait, que le gamin, il ressemblait pas au reste de la famille. Donc, il l'a appelé Stranger, comme un étranger. Famille de musiciens, son frère était également DJ dans le sound system de Duke Red. Duke Red, pour la petite anecdote, c'est quand même le mec qui a sorti, enfin, qui a produit, enfin, qui a créé Treasure Isles et Trojan Records. C'est quand même pas Joel Clodo non plus. De nombreux duos avec notre petit étranger Cole, notamment les Technics, Scatalites, Ken Boots, Patsy Todd, Max Romeo, Derek Morgan, j'en passe et des, bon, et des arrêter, bien plus meilleurs. Un chanteur incontournable de l'âge d'or du rocksteady de la Jamaïque, et on aura la chance de le voir cette année au Zikonstock, sauf s'il annule, comme c'est, enfin, souvent les meilleures têtes d'affiche au Zikonstock, ça annule. Vieux, ouais. Super vieux. Vraiment vieux, pas ouais. Comme moi. Ouais. Non, vraiment, vraiment beaucoup plus vieux, beaucoup plus vieux. Et donc ce morceau, Everyday Tomorrow, lui serait crédité à tort, mais les experts en Jamaican music n'ont pas réussi à trouver de qui. Voilà. Bah, qui finalement a enregistré et qui a écrit ce morceau. Bref, mais on s'en fout parce que ce morceau ça est magnifique. C'est un traditionnel. Et moi je vous dis des bisous et oui. À la semaine prochaine. On vous dit à la semaine prochaine. On n'oublie pas. Et une pas. Bonne et heureuse. À cap. Longue et vigoureuse. La la la la la la.